Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, en ce 21 octobre 2023, à midi, que vous nous écoutiez sur Radio Campus au 106,6 MHz, sur campuslille.com ou sur DAB+, peu nous chaud, puisque vous vous apprêtez à écouter Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une association d'éducation populaire, et nous allons le prouver une fois de plus. Pour vous servir aujourd'hui, Florent, notre ingénieur informaticien, Didier le nouvelliste, Morgane le billettiste et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Petit rappel d'abord, à Angle d'Attaque, nous avons décidé, on vous l'avait dit, que pour les 10 émissions de la saison 2023, nous avons décidé de vous parler d'un futur désirable. Ce que nous voulons est l'intitulé générique de la saison et le fil rouge de toutes nos émissions. Puisqu'on vous le dit à Attaque, un autre monde est possible, pourquoi se gêner? Ce 21 octobre, c'est le tout premier volet de ce que nous voulons. Et nous allons considérer ce qu'il importe de changer dans ce lieu du rapport de force entre le capital et le travail qu'est l'entreprise. En clair, une autre façon de considérer les décisions à prendre dans l'entreprise, bâtir une échelle de salaire compatible avec une bifurcation écologique et sociale. Et enfin, nous aborderons des notions prometteuses, encourageantes d'anthroponomie. Tout ceci, tout ce qui vient d'être évoqué se trouve dans un article publié sur le site d'Attaque nationale, dans la publication Les Possibles, et nous avons le plaisir de vous faire entendre son auteur. Bonjour, Patrice Grevet. Bonjour. Eh bien, tu es professeur honoraire de sciences économiques dans cette belle université qui nous héberge et tu nous as fait le plaisir d'accepter notre invitation. Tu es aussi membre du comité local d'Attaque Lille. Alors, on va tout de suite entamer les premières questions. Et la première question, c'est d'abord une question de vocabulaire. Savoir que dans le titre, il est question de valeur ajoutée et dès le premier article, il est question d'excédent brut d'exploitation, si tu veux bien nous expliquer les termes en question. Alors, tout à fait. Juste avant de répondre, une petite remarque sur la perspective de l'article. Comme Christian vient de l'indiquer, cet article s'inscrit dans une recherche sur les institutions qui permettraient aux entreprises d'échapper au but dominant du profit et de l'accumulation du capital privé. La thèse est en effet qu'une bifurcation sociale-écologique nécessite des changements majeurs à la fois dans l'État, les services publics et dans les entreprises. Alors, sur les notions en question, d'abord sur la valeur ajoutée. En gros, je vais reprendre un exemple tout à fait élémentaire, la baguette de pain chez le boulanger, elle a un prix. Vous déduisez le coût de la farine ou de l'électricité qui a été utilisée et le résultat, le solde, c'est la valeur ajoutée. Donc on dit qu'elle est brute parce qu'on ne déduit pas le coût correspondant à l'usure des équipements. Alors l'autre notion évoquée, l'excédent brut d'exploitation, brut, il y a toujours la même idée sur la notion de brut, en gros, c'est le profit. Alors, je suis parti dans mon papier d'un article d'un chercheur de l'INSEE, Sylvain Billot, qui fait un point très précis sur les parts respectives des salaires, salaire entendu, salaire plus cotisation sociale, l'ensemble, et de l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire du profit, c'est-à-dire comment est-ce que la valeur ajoutée se partage entre salaire et profit. Alors, pour résumer l'essentiel, depuis le début des années 1990, la part des salaires directs et socialisés se situe 4 points en dessous de celle des années 50 et 60. Alors Sylvain Billot en tire la conclusion placée en titre de son article, partage de la valeur ajoutée, il est temps de faire les poches au grand patronat. La question qui m'intéresse dans l'article, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut orienter, utiliser cette vidange des poches du grand patronat. Et la réponse n'est pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative. On va y venir, l'idée de changer la nature de l'excédent brut d'exploitation. D'accord. Alors là, effectivement, cette précision était très utile et tu as bien fait de prendre le temps d'expliquer donc, cette séparation. Enfin, pour aller vite, la valeur ajoutée, c'est pareil entre profit et salaire socialisé. Maintenant, il s'agit de savoir ce qu'on va faire de cet excédent brut d'exploitation qui sert, comme tu l'as dit, à l'accumulation du capital privé. Pour l'instant, surtout les actionnaires actuellement, particulièrement en France. Donc, que va-t-on faire et comment peut-on travailler sur une autre perspective de l'utilisation de l'excédent brut d'exploitation, du profit ? Alors, pour répondre à cette question, je passe par la notion de validation des activités. Valider des activités, c'est tout simplement dire qu'elles n'ont pas été faites pour rien, que leur résultat sert à quelqu'un, à quelque chose. Et avec une grande distinction entre validation ex post, c'est-à-dire après que l'activité ait été effectuée, et validation ex ante, avant que l'activité ait été effectuée. Alors, dans une économie marchande, les unités de production sont séparées les unes des autres et séparées des unités de consommation. Elles ne sont pas coordonnées ex ante, c'est-à-dire avant que la production ne soit effectuée. La validation se fait ex post par la vente des produits contre argent. Sur la validation ex ante, je vais prendre un exemple très simple, surtout sur ce campus. L'éducation ou la santé, pour leur part non marchande, donne lieu à une validation exempté par décision politique et administrative. Puisqu'on est en ce moment à l'Assemblée nationale dans le débat budgétaire, eh bien, lors du vote des lois de finances au Parlement, des décisions sont prises sur les moyens donnés pour l'année suivante à l'éducation et à la santé. Donc, avant que les activités en cause ne soient effectuées. Et donc, à partir de cette idée de validation, la proposition, c'est celle d'un nouveau type de validation ex ante des activités dans les entreprises. Ce n'est pas la reproduction de ce qu'on ferait dans les services publics, mais un nouveau type. Une question peut-être de... Oui. Oui, la notion de validation a quand même été développée, notamment par des gens comme Jean-Marie Arribé ou... Et bon, sur les 25 pages de votre article, moi j'ai trouvé quand même des correspondances avec ce que propose un Bernard Friot, par exemple. Est-ce que vous pouvez en parler un peu ? Oui, je peux dire un mot. Je ne suis pas enthousiaste des propositions de Bernard Friot. Bernard Friot, si ça, on pousse jusqu'au bout la logique, c'est une logique dans laquelle, en gros, le marché joue un rôle, c'est pas strictement comme ça, mais quasiment négligeable. Or, dans l'idée de validation, nouveau type de validation ex ante, il y a l'idée, le principal se fait donc avant, la production s'effectue, mais le marché conserve un rôle utile, pour vérifier que ça n'a pas été fait pour rien. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est la suivante. Il faut penser à des cycles de production. Vous avez un cycle de production, on valide ex ante, je vais dire comment. On a les résultats ex post, et ces résultats sont un des éléments à prendre en compte dans le cycle suivant de validation ex ante. Hein, c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est de donner un très grand rôle à des processus démocratiques multiniveaux de décision, avec un très grand rôle de la planification écologique, des rapports entre une entreprise qui serait dans des logiques sociales écologiques et un pôle bancaire socialisé. L'idée, c'est que l'entreprise est et reste autonome. La définition des critères et des programmes d'activité d'une entreprise, grande, intermédiaire, coopérative, serait le fait de ses organes internes de décision démocratique, se référant de façon autonome et agile aux repères donnés par une planification démocratique. Ensuite, par référence à ces mêmes repères, il reviendrait à une des institutions d'un vaste pôle bancaire socialisé de valider les programmes présentés par l'entreprise. Et comment elle valide? En finançant par crédit remboursable à taux zéro. Oui, une question aussi sur son dernier mot, socialisé. Il n'y a plus de nationalisation. C'est une différence entre socialisation et... Alors, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, dans l'idée d'un vaste pôle bancaire socialisé, il y a bien élimination du capital privé. Mais, pour être très clair, parce que des fois, c'est utilisé de façon ambiguë. Donc, élimination du capital privé, mais des décisions prises par des organes comportant des représentants des organisations syndicales et patronales, des associations écologiques, d'associations de consommateurs, etc. L'idée, c'est une pluralité des acteurs qui décident, avec d'ailleurs la possibilité de distinguer un niveau national, des niveaux locaux, etc. D'accord. Je poursuis, si tu permets, d'un mot sur la logique de la proposition. L'idée part, pour une gestion sociale écologique, de l'impossibilité d'un critère unique. Il y a des tas de propositions, y compris très sophistiquées. Je ne rentre pas, par exemple, comptable qui est maintenant honoraire ou émérite à l'Université de Dauphine. Il y a des tas de propositions de conserver le taux de profit, mais en l'amendant pour tenir compte, par exemple, des coûts de destruction de la nature, avec l'idée, on va compter un coût, ça vient en déduction du profit. Ah oui. C'est ça, cette idée, le taux de profit, mais amendé. Un peu le principe de pollueur-payeur, en fait. Voilà, c'est ça. Bon. Mais ça suppose de tout pouvoir compter en monnaie, comme on dit, de tout pouvoir monétariser. Or, il me semble que c'est impossible. Il y a eu, par exemple, pour citer un collègue qui était prof ici, Jean-Gadret, Aurore Laluc, on fait un truc sur l'impossibilité de tout monétariser à propos de la nature, etc. Oui, bon. Et je ferai les mêmes remarques à propos de propositions fréquentes dites de conditionnalité des crédits. L'idée, on va imposer des conditions à l'octroi de crédit. Il y a beaucoup de propositions comme ça. Alors, je dis tout de suite, des conditionnalités peuvent représenter un pas en avant. Mais elles ne font pas le compte au total. Pourquoi? Parce que les critères à prendre en compte sont multiples. En plus, différents selon les entreprises, les régions, les situations. Et on arrive très vite, à ce moment-là, à une énorme usine à gaz. Et la conclusion logique, on voit, c'est bah, puisque c'est une usine à gaz impossible à gérer, on fait confiance, entre guillemets, à la responsabilité sociale et environnementale du capital. Bon, donc, si vous les regardez plus en détail, j'en donne juste un exemple. Hein. Dans le papier, il y a à titre de pure illustration, hein, provisoire. Parce que après, c'est à définir au cas par l'entreprise, puis après l'institution bancaire validant. Exemple. De cette multiplicité de critères. Les besoins auxquels l'entreprise répond, avec référence à ceux reconnus dans la planification. Le nombre des emplois, la structure par qualification, niveau et écart de rémunération, durée du travail, organisation et qualité du travail, dépenses de formation, répartition de la valeur ajoutée entre salaire, dépenses de formation, etc. L'utilisation de l'excédent brut d'exploitation, soit pour rembourser, soit pour une part financer de nouveaux investissements. Respect de la biodiversité, élimination des pollutions, etc. etc. Bon. Et donc, l'idée, c'est impossible de tout ramener à un critère unique. Donc, bien sûr. Surtout, je prends un exemple. Dans la conjoncture actuelle, où le niveau de chômage diminue nettement, on voit très bien la question de la qualité du contenu de l'organisation du travail venir très fort en avant. Hein? Par exemple, il a dû sortir en librairie hier un gros bouquin qui s'appelle « Que sait-on du travail ?» avec plein de contributions. C'est des questions qui viennent très fort en avant. C'est les ouvrages de Thomas Coutreau, par exemple. Voilà, voilà, je pense en particulier à Thomas Coutreau, qui longtemps s'est battu dans le désert pour faire prendre en compte cette question de la qualité de l'organisation du travail, etc. Et concrètement, il y a des grandes orientations, mais concrètement, ça se décide dans l'entreprise. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs. C'est le fait, sur le travail, je trouve un exemple par rapport à la série d'exemples que tu donnes. On a eu Thomas Coutreau ici au téléphone pour expliquer, effectivement, l'idée que le travail, le contenu du travail serait non subordonné au salaire. Et ce serait une discussion entre les patrons et les salariés, l'organisation syndicale, c'est le cas échéant. Alors, discussion, là... Tout dépend quels sont les pouvoirs de décision dans l'entreprise. L'idée, là, c'est d'avoir dans l'entreprise des pouvoirs de décision. Le capital n'occupe plus une position dominante. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais sur cette question... Avant de revenir sur la répartition des pouvoirs dans l'entreprise, l'idée, c'est qu'il y a des pouvoirs de décision dans l'entreprise et il faut qu'il y ait un dialogue du bas en haut dans l'entreprise même, hein, de l'atelier, au plus près du travail concret et avec les organes de décision de l'entreprise. Après, ça je l'avais développé dans un papier antérieur, sur la question des pouvoirs dans l'entreprise. Vous avez aujourd'hui des tas de propositions qui disent ben, il faudrait par exemple qu'il y ait une parité entre capital et travail dans les organes de décision. La question, c'est, en cas de désaccord, qui tranche ? On a d'excellents exemples en Allemagne, où il peut y avoir dans des situations, des situations de parité, mais en dernier sort... le capital tranche en cas de désaccord. Et sinon, il y a des risques de blocage. Donc, il me semble qu'il faut distinguer tout ce qui relève d'avancer dans le contrôle. Et je dirais que tout est bon à prendre. Hein. Rétablir un droit du travail plus favorable, rétablir des comités d'hygiène et sécurité. Oui, bien sûr. Bon. Et... l'idée, encore une fois, je répète, qui est fréquente de propositions de parité, qui me semble pas soluble, il me semble que à ce propos, le plus simple, c'est d'éliminer purement et simplement le capital de l'entreprise. Alors après, ils peuvent avoir une présence, je dirais, bon, mais ça pose des questions redoutables. Hein. Oui. Se laisse pas éliminer comme ça. Hein. Et puis, ça pose aussi la question de sur quel fonds fonctionne l'entreprise. Parce que, bah, oui. Dans certaines entreprises, il y a quand même les apports d'actionnaires ou autres. Enfin, même oui. Quand. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que la proposition, c'est le financement de l'entreprise par des crédits bancaires à taux zéro donnés par une des institutions bancaires du pôle socialisé. Hein, c'est ça. Alors après, je dirais, on peut tout à fait concevoir qu'il y ait des négociations avec le capital sur qu'est-ce qu'on fait qui tiennent compte évidemment des rapports de force. On peut très bien concevoir que les grands fonds de pension étrangers qui possèdent du capital d'entreprise française, placés devant le choix tout perdre ou récupérer quand même quelque chose, préfèrent quand même récupérer quelque chose. Et on peut concevoir, par exemple, pour être réaliste, qu'il y ait une espèce de, sur les résultats de l'entreprise, de rente diminuant au fil du temps et allant à des capitaux privés qui étaient dans l'entreprise, hein, mais qui n'ont plus le pouvoir de décision. Hein, c'est, bon, après, je dirais, concrètement, c'est impossible d'en préjuger, mais de ce point de vue-là, en cas de vrai changement, il ne faut se faire aucune illusion, la lutte sera brutale avec le capital à l'échelle nationale et internationale. Et internationale, je pense bien, oui. Je prends juste un exemple. Le Front populaire a été un événement formidable. Il a aidé, et puis les résultats ont tenu compte des grandes grèves de 1936. Donc des avancées formidables. Mais le programme du Front populaire ne permettait pas de s'en prendre vraiment au pouvoir du capital. Et le chantage sur le cours du franc, les mouvements de capitaux, est venu très vite. Résultat, 1937, ce que Léon Blum proclame, la pause, on va vers la décomposition du Front populaire, et 1938 est une année terrible. Michael Fossel, d'ailleurs, a fait un excellent bouquin que je vous recommande, pour ne pas recommencer le même genre de truc, qui s'appelle « Le récidive », à propos de l'année 1938. C'est terrible, 1938, parce que gouvernement venu des radicaux qui étaient avant dans le gouvernement de Front populaire, Daladier, des mesures qu'on peut qualifier de brutalement antisociales, échec de la grève générale pour les combattre, c'est l'année aussi de l'abandon de la Tchécoslovaquie. Enfin, c'est une année épouvantable. Hein. C'était un exemple tout à fait parlant pour l'instant, la brutalité qu'elle peut s'attendre. Alors, je finis. C'est pour ça qu'il me semble que, de toute façon, il y aura un conflit très fort et qu'il faut s'y préparer idéologiquement. Techniquement, on n'est pas forcé de mettre toutes les cartes sur la table, enfin, pas les plus bêtes, mais techniquement, pensez là aussi à l'exemple de la Grèce et à la capitulation de Tsipras. Je dirais, on n'échappera pas à l'affrontement. Et là, pour le coup, c'était vraiment international aussi qui a posé sur la décision. Voilà. C'est vrai que Tsipras n'avait pas d'alliés non plus, donc ça aide pas. Didier, une question ? Oui, enfin, une question à laquelle vous avez largement répondu, mais je veux dire, bon, dans le cadre du cycle d'émissions qu'on propose, donc c'est quand même ce que nous voulons, donc c'est un caractère un peu utopique, mais je veux dire, vous parliez au début de votre propos de vidanger les poches du patronat, je crois que c'est l'expression que je retiens. En gros, enfin, vous en avez parlé, bon, il y aura forcément un affrontement, mais comment on fait concrètement, enfin, au niveau des institutions, au niveau des pouvoirs, au niveau de la chambre de société? Oui. Alors, sur changement des pouvoirs, etc. Bon, on ne peut pas préjuger, parce qu'on sait bien que dans l'histoire, il y a des conjonctures, la capacité à s'en saisir, et il y a toujours de l'imprévu, où les choses s'enchaînent après. La seule chose qui me semble importante, j'y reviendrai en conclusion, c'est que, on peut se dire, mais c'est quand même irréaliste dans les rapports de force actuels, et disons que ces dernières semaines, ça ne s'est pas arrangé. Oh. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Ceci dit, de toute façon, de violents chocs écologiques vont intervenir. Alors, ça ne garantit pas du tout une évolution progressiste. Hein. Ça peut aller vers le pire comme vers le meilleur. C'est les limites physiques de la Terre, quoi. La planète. De la planète. Oui, oui, tout à fait. Donc, de toute façon, des violents chocs écologiques vont intervenir, qui vont redistribuer les cartes. Et il est évident qu'il n'y a pas aujourd'hui les rapports de force qui permettraient de dire bah, « demain, ça peut se faire hein, ». Bon. Mais par contre, il est essentiel, dès maintenant, d'engager la lutte des idées, d'avancer des idées. C'est en devenant d'abord hégémonique dans les idées que le jour venu, selon la conjoncture, les choses pourront tourner plus ou moins bien. C'est un peu Gramsci, quoi. C'est le... Oui, oui, bah, tout à fait. Hein, tout à fait hein, c'est... Le pire, c'est que la droite et l'extrême droite ont aussi lu Gramsci. Hein. C'est sûr. On passe peut-être à un autre aspect dont on a bien vu comment on pouvait utiliser de façon différente, on va dire, mais sociale-écologique, en l'occurrence, l'excédent brut d'exploitation, sur quelque chose qu'il va falloir réviser aussi, c'est l'inégalité salariale. Alors, je me permets de rajouter juste un petit mot à propos de l'excédent brut d'exploitation. L'idée, il ne disparaît pas. Mais qualitativement, il change. On est bien d'accord. Il passe du statut de profit capitaliste à celui d'excédent largement socialisé via les remboursements à l'institution du pôle bancaire public. Parce que c'est très important aussi que l'excédent puisse circuler hein, dans la société. Bon, pour venir aux questions des salaires. Alors, en utilisant par exemple les travaux de Pierre Concialdi, qui a publié des budgets de référence évaluant le coût du panier de biens et services nécessaires pour accéder à un niveau de minimum de vie décent. Bon, partant de là, envisage la proposition d'une importante augmentation des salaires nets bas et moyens. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas des choses qui se décréteront administrativement. Les circonstances, la négociation collective, etc. Hein, bon. C'est juste des repères sur du possible. La proposition d'un relèvement du SMIC net de 25% avec une répercussion positive dégressive. C'est-à-dire les tranches supérieures, ben après, c'est pas 25, c'est 20, puis 18, etc. Pour environ 62% des salariés. Et à ce moment-là, vous savez, on découpe les salaires, ce qu'on appelle en centiles, hein, en tranches centiles. Bon, donc jusqu'au 62e centile inclus, la stabilité du 63e au 97e centile et l'augmentation des bas et moyens salaires pouvant être couverte par la réduction des salaires des 98e et 99e centiles, sachant que ceux-ci, pour une part, dissimulent des profits sous l'étiquette salaire. L'hypothèse, là, travail, c'est qu'une hypothèse de travail, hein, c'est celle d'une échelle de 1 à 5. Hein, c'est avec ça que... Alors, pourquoi cette proposition d'élever nettement les bas et moyens salaires en compensant, en prenant en haut? Pourquoi pas dire, bah, on prend sur la réduction de l'excédent brut d'exploitation? Alors, deux choses. D'abord, il y a de très fortes raisons de réduire fortement les inégalités salariales. Je ne les reprends pas tous. Dans le papier, j'en retiens 5. On pourra y revenir si vous voulez. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans la réaffectation de l'EBE, ce à quoi il sert, c'est l'idée, d'une part, de tenir compte des lourds investissements nécessaires pour protéger les populations dans la crise sociale écologique et chercher à la dépasser. Je vous en donne juste un exemple. Les tempêtes, les problèmes d'enterrement des réseaux électriques à haute tension, etc., c'est pas gratuit. Pénurie d'eau, éliminer les fuites dans les réseaux, c'est coûteux, etc., etc., etc. Et la raison principale, c'est dans la réaffectation d'une partie de l'EBE de privilégier les fonds collectifs personnels. On pourra, bien. J'y viens tout de suite ou tu... Oui, mais il y avait aussi. J'aimais bien effectivement ce travail que tu as fait dans des hypothèses héroïques dont tu parles. Oui, oui. Et effectivement, on arrive à un niveau de 1 à 5 et hein, le plus haut salaire. Oui, je me disais, à part ça, à part moi, on est quand même dans une situation là où c'est des décisions nationales. C'est-à-dire que pour l'instant, un gouvernement peut décider du SMIC, c'est tout. Oui, oui, ici, oui. On a vraiment une intervention sur l'échelle des salaires. Oui. Donc ça veut dire plus de pouvoir à l'État, j'imagine, ou plus de pouvoir au... Il y a planification non, aussi. Non, l'idée, c'est bon, le SMIC, une chose, l'indexation des salaires bas et moyens, pas indexer les très hauts salaires, ça, c'est des décisions nationales. D'accord. Mais après, des repères dans la planification démocratique qui fonctionnent du bas en haut, du haut en bas, et les décisions concrètes sur l'échelle des salaires dans l'entreprise. Parce que, encore une fois, il faut tenir compte des situations concrètes. Il faut être très réaliste. Il peut y avoir une entreprise dans laquelle on a besoin de spécialistes rarissimes. Ben, s'il faut les payer, on les paye ce qu'il faut. Bah, je veux dire, c'est aucun dogmatisme. Hein. L'idée, en plus. Dans l'entreprise, on a besoin de gérer l'alliance entre des groupes sociaux différents. Ouvriers, employés, cadres moyens, une partie des cadres supérieurs qui voudront bien jouer le jeu, etc. Et donc, il faut en tenir compte pour savoir concrètement comment on fait. En plus... Il peut y avoir des mesures d'accompagnement je pense à des situations d'endettement sur le logement qui relèvent de politiques nationales. Donc, c'est des repères, mais pour des politiques très pragmatiques, selon les circonstances. Alors, effectivement, on passe au fonds collectif personnel, si tu veux bien. J'ai demandé justement comment on peut faire concrètement pour plein de petites entreprises, par exemple, ou très petites entreprises, où il y a par exemple un artisan et un vendeur, comment on fait pour relever le SMIC si l'entreprise n'a pas forcément les moyens d'avancer. Tout à fait. Alors, c'est des situations, je dirais... à regarder concrètement le temps venu, mais on peut d'abord aller vers une imposition. Actuellement, l'imposition des entreprises, les petites payent plus d'impôts sur les profits que les très grandes, pour des tas de raisons. Hein, bon. C'est un exemple. Ensuite, on peut tout à fait concevoir l'encouragement au réaménagement des rapports de sous-traitance. Nombre de petites entreprises moyennes sont en fait des sous-traitants. Après, on peut concevoir aussi des modifications des bases sur lesquelles les cotisations sociales sont assises. Il peut y avoir toute une série de propositions. Et puis, y a des situations, après tout, il faut que le produit et le service se payent plus cher. Je ne suis pas pour éterniser la livraison à domicile payée à coup de lance-pierre. Alors ça suppose en même temps des mesures d'accompagnement sur la sécurité de l'emploi, les conversions professionnelles, etc. Entendu, ça te va? Eh bien, on passe au fonds personnel, alors. Alors, cette partie donc des salaires, entre autres, qui fait partie de la valeur ajoutée. Oui, donc je fais bien attention à l'heure qui tourne. dans le papier, il y a introduction de la notion d'anthroponomie. Ça vient de travaux de sociologues comme Daniel Berthaud, etc. C'est quoi? C'est anthroponymie économie. L'anthroponymie traite des rapports sociaux qui structurent la génération et régénération des êtres humains. Ces rapports sont très divers. Ça va des rapports familiaux domestiques aux rapports marchands simples, la babysitter, l'aide à domicile, l'entreprise capitaliste, maison de retraite, l'institution publique, crèche publique, maison de retraite de statut public, mais aussi les associations sans but lucratif, les relations d'échange de services non marchands entre voisins, entre amis, etc., etc. Les fonds collectifs personnels seraient, la notion de fonds collectifs personnels participe à cette génération, régénération des êtres humains. Pourquoi cette expression, fonds collectifs personnels? Il y a à la fois collectif, des fonds socialisés, et personnel, ce dernier adjectif qualifiant des actions portant directement sur les caractéristiques des personnes. L'éducation, la santé, on agit directement sur les caractéristiques des personnes avec leur participation active, bien évidemment. Alors, cette notion vise à mettre en lumière des tendances à la socialisation des moyens de la vie humaine. Là, il y a un point essentiel. Si on prend l'évolution depuis la Deuxième Guerre mondiale, ces fonds collectifs personnels ont augmenté. Et, il y a des politiques d'austérité, etc., on va voir ce que ça devient. Mais la caractéristique essentielle, disons, de la dernière décennie, c'est non pas la baisse de ces fonds, mais l'écart entre des besoins croissants et les moyens donnés pour les couvrir. C'est ça le point essentiel, la question des besoins de la population des gens. À ce propos, sans attention au temps, je tiens absolument à signaler de remarquables travaux d'un collectif qui s'appelle Nos Services Publics. Oui. Si vous tapez dans la barre de recherche sur Internet, Nos Services Publics, vous tombez directement dessus. Leurs travaux ont été publiés après que j'ai fini mon papier, mais la logique est la même. Alors, ce sont des travaux impressionnants, ayant bénéficié de la contribution d'un très grand nombre de personnes. Vous avez un rapport, tout est téléchargeable. Vous avez un rapport de synthèse, et puis il y a un rapport sur la santé, l'éducation, les transports, justice et sécurité, et le fonctionnement des services publics. Je fais vraiment de la... Ça a été publié donc à l'automne, la publicité pour ces travaux remarquables justifient des financements, des fonds collectifs personnels plus importants. Alors, en précisant que la notion de fonds collectifs personnels recouvre trois composantes. Les dépenses de formation effectuées en entreprise. On retombe sur la question des pouvoirs de décision dans celle-ci. Les financements des services publics personnels non marchands. Santé, éducation, culture, services à la petite enfance et aux personnes âgées. Et les fonds communs et publics de revenus monétaires hors salaire, par exemple, retraite ou allocation chômage. Et actuellement, il y a un antagonisme croissant entre des besoins qui s'élèvent et des financements qui ne suivent pas. Du fait de cet écart, s'ouvre un champ immense au capital. On le voit très bien. Capital qui investit l'enseignement supérieur, dans le système de santé, j'en parle pas, clinique privée, etc. L'assurance. Assurance. Les labos pharmaceutiques rachetés par des grands fonds de pension, même votre chat ou votre chien, hein, les cabinets vétérinaires sont massivement rachetés par... du coup, les prix s'élèvent. Et donc, ce sont des services fournis par du capital privé qui se révèlent plus coûteux, répondant mal aux besoins. Alors, le summum, vous l'avez eu, les fossoyeurs sur les maisons de retraite, les crèches, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et une publication, le prix du berceau, etc., etc. Puisque le temps est limité, s'il faut conclure et revenir, je reviens sur l'idée, la bataille d'idées n'attend pas. Vous écoutez une grande radio publique, dont je ne donnerai pas le nom, un commentateur économique qui est aussi dans un grand journal économique. On devine. Tous les matins, presque, pas le week-end. Une fois sur deux, il va taper sur le clou, les dépenses publiques, c'est trop élevé, il faut les réduire. La dette. Et là-dessus, on est à présent un peu en position défensive. Oui. Et je pense qu'il faut prendre l'offensive, se battre sur le thème, il faut transférer plusieurs points de la production nationale du marchand au non-marchand. Et là, on vous dit, mais déjà, c'est déjà très important la part du PIB consacrée. Oui, mais c'est là que revient l'idée. Hein, vous pouvez, dans le rapport de synthèse du groupe, là, vous ne pouvez pas voir nos services publics. Ben, ils ont fait un petit graphique avec deux courbes qui sont toutes les deux ascendantes, mais qui s'écartent entre besoin et financement. Financement du besoin. Et en plus. Qu'en sera-t-il des politiques d'austérité et de leurs résultats? Je dirais que ça dépend aussi de l'évolution des rapports de force dans la période qui vient. Entendu. Merci. On a pris la leçon, là, en l'occurrence, sur cette conclusion, effectivement, qui est assez forte. Il faut effectivement prendre la bataille des idées à bras-le-corps et essayer de convaincre, parce que ça, c'est peut-être le plus difficile actuellement. On a quand même, sous une domination médiatique... L'imaginaire, au moins. Pardon ? L'imaginaire aussi, qui est important. Domination médiatique proche du pouvoir, de toute façon, qui pose problème. Merci, Patrice, d'avoir... Merci beaucoup. ...accepté cette invitation. Et d'avoir éclairé, encore qu'il manque un bout, il y a le bout sur la santé qu'on n'a pas traité. J'ai juste un mot là-dessus. Si tu veux, oui. La santé s'est développée parce que c'est un exemple, j'ai détaillé, de besoin de fonds collectifs personnels, d'écart croissant entre besoin de la population et financement socialisé. Oui. Un cas typique, oui. Et donc, on a eu le plaisir de te recevoir, surtout avec les explications que tu as données sur un article qui n'est pas de facile de lecture, il faut le reconnaître. N'est-ce pas, Didier? Oui, j'ai un peu peiné dessus, mais enfin, avec les explications de ce midi, je suis tout à fait à l'aise. Voilà, merci. On va passer donc à une pause musicale. Son arbre perché voulait partager son fromage. Wahed Zouj, le micro est ouvert. On a que ça, des mots et la croix est populaire. Une cogite, un stylo, un cahier. V'la dis pas qu'on est hal, pareil pour aboyer. Car trop de paroles et trop d'années,

de cet amendement particulièrement inquiétant, car il étend dangereusement la liste d'infractions pouvant supprimer les avantages fiscaux tels que dons, versements et legs, caractérisant ainsi une grave violation des libertés d'association et d'expression. On a bien compris, on n'est pas dupe, que c'est la Confédération paysanne qui est visée directement par la FNSEA. Les associations environnementales, citoyennes et paysannes qui dénoncent les dérives de notre système industriel agricole sont particulièrement visées. Alors, pour une justice économique et climatique, les peuples unis contre la finance et la dette, la Banque mondiale et le FMI ont tenu leur réunion annuelle à Marrakech, au Maroc, du 12 au 15 octobre 2023. Ce choix est significatif car ces réunions n'ont pas eu lieu en Afrique depuis plus de 50 ans. À cette occasion, un contre-sommet a été organisé à Marrakech du 12 au 15 octobre. ATTAC France y a participé avec l'objectif de mobiliser pour un changement radical des politiques économiques mondiales en faveur de la justice économique et climatique. Bah, à ce propos, lettre ouverte contre la nomination de Wopke Hoekstra, comme commissaire européen au climat, un peu gonflé quand même. 50 organisations, dont ATTAC France, ont signé une lettre ouverte au coordinateur de la Commission et de l'environnement du Parlement européen, leur demandant de rejeter la nomination de ce bonhomme, Wopke Hoekstra, allié néerlandais des combustibles fossiles, au poste de commissaire au climat. Il est d'ailleurs cité dans le de Pandora Papers, le bonhomme. Au plan local, maintenant, Didier. Au plan local, donc, Nada... Oui, c'est moi, alors, du coup. le monde diplomatique a invité Nada, dont je suis membre du conseil d'administration, est-il besoin de le rappeler, non à l'agrandissement de l'aéroport. C'était une conférence débat très intéressante, très technique aussi, par un Aurélien Bigot. Climat, quel avenir pour le transport aérien ? Pas mal de monde et Nada a pu s'exprimer, ce qui était vraiment sympa sur la transition énergétique et effectivement sur la diminution manifestement utile du nombre de vols. Ensuite, pour le 20 octobre, le 4 heures pour la santé, tu y étais, Didier ? J'y étais, donc le bilan de la soirée organisée, salle du gymnase à Lille. Donc il y avait environ 70 personnes dans le cadre du Tour de France de la santé, avec quand même trois plateaux et des interventions intéressantes de part de syndicalistes, de politiques, d'associatifs. On a eu vraiment un tour d'horizon assez complet, avec en plus une intervention de Madame Caroline Fiat de la France Insoumise en direct. En direct du Parlement, d'ailleurs, de l'Assemblée nationale, où elle devait voter pour une motion de censure. Il y avait aussi, c'était malheureusement à la même heure quasiment, oui pour le train de nuit, il fallait venir en pyjama avec un nounours dans les bras pour manifester pour les freins de nuit. 25 ans d'attaque, on en parle quand même. Alors sur les 25 ans d'attaque, donc on rappelle la date, hein, ça sera le samedi 18 novembre entre 14h et 21h à la Bourse du Travail, boulevard de l'usine à Fives. Alors les ateliers prévus, donc on en a déjà discuté, hein, les grands projets inutiles et imposés, l'historique d'attaque et les biens communs et services publics. Donc ce sont des ateliers qui sont ateliers stand qui se tiendront de 14 à 17 heures. Il y aura donc table de presse avec matériel d'attaque et autres associations qui le souhaitent, avec une intervention des membres fondateurs qui ont été invités à s'exprimer donc entre 17h et 17h30, des intermèdes musicaux avant et après un apéritif dînatoire, et une soirée avec le film du spectacle théâtral qui est actuellement qui va être présenté le 4 novembre pour le 25e anniversaire d'attaque au plan national. Parc Saint-Sauveur n'est pas mort. Lamel ouvre une enquête publique concernant la révision du plan local d'urbanisme du 3 octobre au 7 novembre. Parc vous invite à participer à cette enquête pour revendiquer la création d'un grand espace vert sur les 23 hectares de l'affiche et globalement pour dire non à l'actuelle politique d'urbanisme qui bétonise à tout va et intensifie le trafic routier et les pollutions. Le site pour l'enquête publique, c'est registre-numérique.fr, p Et l'U3-MEL, vous devez trouver ça forcément sur, sur le site de la MEL, de toute façon, tout simplement. Alors une dernière chose, avec un film, donc La Très Grande Évasion, de documentaire de Yannick Kergoat sur, évidemment, l'évasion fiscale, donc qui passe le vendredi 10 novembre au Méliès, donc le film qui décortique la mécanique de l'évasion fiscale et qui sera suivi d'un débat animé avec notre ami René Dassonville, militant d'Attaque. C'est donc le 10 novembre au Méliès. Ok, eh bien vous êtes toujours sur Campus, sur Radio Campus au 106,6 MHz. Vous êtes sur DAB+, vous êtes sur campuslille.com et on va passer aux actualités militantes. Oui, l'agenda militant. Merci Christian. Donc atelier défense, l'atelier d'autodéfense numérique, suivi d'une soirée festive. Donc depuis très longtemps déjà, les États et les multinationales de la tech travaillent main dans la main pour détourner les outils numériques que nous utilisons au quotidien, téléphone, internet, web, afin de surveiller, contrôler et réprimer l'ensemble de la population. La Macronie bat tous les records en la matière et ne semble avoir aucune limite. S'alignant sur les politiques sécuritaires des pires dictatures, la majorité ne réchigne à aucune ignominie, fichage et espionnage généralisé des militants, procès pour terrorisme entre guillemets, contre ceux qui chiffrent leur communication, projet de loi visant à obliger les navigateurs web à censurer des sites web, à empêcher l'anonymat sur les réseaux sociaux et même interdire les VPN. Une vidéo, c'est également une vidéosurveillance intelligente entre guillemets sous prétexte de Jeux Olympiques. Heureusement, il est possible de nous défendre. L'offensive et le collectif des travailleuses et travailleurs du numérique On est la tech vous invite à une formation atelier sur le thème de la surveillance de masse. Et donc, ça sera le vendredi 10 novembre à 18h30. On y découvrira comment fonctionnent ces outils totalitaires, puis une configuration de vos ordinateurs et smartphones sera proposée pour se protéger au maximum. C'est donc au 41 rue Valmy à Lille, et donc le vendredi 10 novembre à 18h30. Ensuite, les associations Survie Nord et les Amis de la Terre Nord vous invitent pour une projection suivie d'un échange autour du projet EECOP mené par Total Energy. Le documentaire EECOP, une crude reality, a été réalisé par l'ONG 350.org et montre en quoi le méga projet d'oléoduc chauffé de Total Energy passant par en Ouganda et en Tanzanie menace gravement non seulement le climat et l'environnement, mais aussi les droits humains des personnes et communautés vivant aux alentours du projet. Il montre la réalité des communautés affectées par le projet et comment Total Energy peut mener ce chantier en dépit de la protection des personnes, de la protection de l'environnement et des droits des humains des communautés autochtones. Et donc, ça sera le mercredi 15 novembre à 19h30 au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille. Et voilà, je vais m'arrêter là. Oui, Didier. Oui, juste dans les actualités d'Attaque, donc on a cité René Dassonville. On voudrait aussi citer un autre René, René Sobry, qui nous manque et qu'on espère bientôt de retour dans cette émission au micro, parce que c'est lui qui concocte ces informations précieuses. En effet, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons le 16 novembre pour un autre volet de ce que nous voulons. Portez-vous bien, bon week-end. Pour que la colombe vive en liberté, il nous faudra bien un jour. Pour que la colombe vive en liberté, il nous faudra bien un jour enterrer celui que Zola appelait l'idole monstrueuse, cachée au fond de son tabernacle, dans cet inconnu lointain, où les misérables la nourrissaient de leur chair sans l'avoir jamais vue. Il a des yeux ronds et petits, le profil. Il a le ventre rebondi, le profil. Et lorsqu'il se met en campagne, il ferait battre des montagnes. Il souille tout ce qui est pur, mais du purin sur fond d'azur. Le profil. Il sait cracher de beaux discours et faire pâte de velours pour endormir tous les crédules. Il ne craint pas le ridicule, il est l'horreur, il est la guerre. Si ça arrange ses affaires, profit